Oh, mais l'air est tout plein d'une odeur de bataille. Que te disais-je donc? Je suis de la canaille. Il reste des mouchards et des accapareurs. Nous sommes libres, nous. Nous avons des terreurs où nous nous sentons grands. Oh, si grands. Tout à l'heure, je parlais de devoirs calmes, d'une demeure. Regarde donc le ciel. C'est trop petit pour nous. Nous crèverions de chaud. Nous serions à genoux. Regarde donc le ciel. Je rentre dans la foule, dans la grande canaille effroyable qui roule, sire, tes vieux canons sur les sales pavés. Et quand nous serons morts, nous les aurons lavés. Et si, devant nos cris, devant notre vengeance, les pattes des vieux rois mordorés, sur la France poussent leur régiment en habit de gala, eh bien, n'est-ce pas, vous tous? Merde à ces chiens-là!